pas les notes. Attends, c'est pas les notes, je sais pas parce que j'ai transposé. Je sais pas, attends. Attends, je vais plus de première sur. Attends, je vais te le faire si j'avais transposé. Solfège, alors. Moi aussi, alors. Les notes, c'est. Alors. C'est quoi ça? Parce que j'ai transposé d'une. Une tonalité. Attends, c'est ça. C'est un si, je crois. C'est un si. Ah merde, non, je peux pas transposer, merde. Putain. Un fa. Do dièse, c'est ça. C'est quoi après le do? La noire. Je suis nul. Après do. Parce que, en fait, j'ai transposé mon clavier. Merde, j'ai transposé. Je me rappelle même plus ce que je jouais, putain. J'ai transposé moi. Ouais. Si sol. Do, si, sol, la. Transposé sur le synthé, hein. Si t'enlèves. Après, si t'enlèves, ça fait le do dièse, c'est ça? Do dièse. C'est quoi? C'est un si, t'es sûr? Comme tu jouais en transposé, hein. Joue comme tu joues. Oui, c'est ça. Thank you. vraiment synthé. Synthé des polygones. Indochine. We'll be right back. Thank you. Thank you. Ça, j'adore ce son. J'adore ce petit son. Merci. Ah, on s'éclate, on met une bande de jeu. À la fraîche. Les ados, c'est ça.